L'âme de Fabrice était exaltée par les discours du vieillard, par la profonde attention et par l'extrême fatigue. Il eut grand peine à s'endormir, et son sommeil fut agité de songes, peut-être présages de l'avenir. Le matin à 10 heures, il fut réveillé par le tremblement général du clocher. Un bruit effroyable semblait venir du dehors. Il se leva, éperdu, et se crut à la fin du monde. Puis il pensa qu'il était en prison. Il lui fallut du temps pour reconnaître le son de la grosse cloche que 40 paysans mettaient en mouvement en l'honneur du grand saint Giovita. 10 auraient suffi. Fabrice chercha un endroit convenable pour voir sans être vu. Il s'aperçut que de cette grande hauteur, son regard plongeait sur les jardins et même sur la cour intérieure du château de son père. Il l'avait oublié. L'idée de ce père, arrivant au bord de la vie, changeait tous les sentiments. Il distinguait jusqu'au moineau qui cherchait quelques miettes de pain sur le grand balcon de la salle à manger. Ce sont les descendants de ceux qu'autrefois j'avais apprivoisés, se dit-il. Ce balcon, comme tous les autres balcons du palais, était chargé d'un grand nombre d'orangers dans des vases de terre plus ou moins grands. Cette vue l'attendrit. L'aspect de cette cour intérieure, ainsi ornée, avec ses ombres bien tranchées et marquée par un seuil éclatant, était vraiment grandiose. L'affaiblissement de son père lui revenait à l'esprit. Mais c'est vraiment singulier, se disait-il. Mon père n'a que 35 ans de plus que moi. 35 et 23 ne font que 58. Ses yeux, fixés sur les fenêtres de la chambre de cet homme sévère et qui ne l'avait jamais aimé, se remplirent de larmes. Il frémit, et un froid soudain courut dans ses veines lorsqu'il crut reconnaître son père traversant une terrasse garnie d'orangers qui se trouvait de plain-pied avec sa chambre. Mais ce n'était qu'un valet de chambre. Tout à fait sous le clocher, une quantité de jeunes filles vêtues de blanc et divisées en différentes troupes étaient occupées à tracer des dessins avec des fleurs rouges, bleues et jaunes sur le sol des rues où devait passer la procession. Mais il y avait un spectacle qui parlait plus vivement à l'âme de Fabrice. Du clocher, ses regards plongeaient sur les débranches du lac de Côme et à une distance de plusieurs lieues, et cette vue sublime lui fit bientôt oublier toutes les autres. Elle réveillait chez lui les sentiments les plus élevés. Tous les souvenirs de son enfance vinrent en foule assiéger sa pensée. Et cette journée, passée en prison dans un clocher, fut peut-être l'une des plus heureuses de sa vie. Il fut grillante à 10 heures, et remarque pensif que son âme trouve du plaisir à contempler ce qui arrivera dans 10 ans, et oublie de regarder ce qui se passe actuellement à ses côtés. Encore une fois, Fabrice se laisse attendrir par les aspects sublimes ou touchants de ces forêts des environs du lac de Côme, lorsqu'il rencontre un valet à cheval. Il vole le cheval du valet, moyennant finance cependant, et retrouve Parme, où il apprend la mort du duc Sanseverina. Le comte le dispute au sujet du vol du cheval. Fabrice, pour être sûr de n'être point rattrapé, aurait dû tuer le valet, lui dit-il, car, dans tous les temps, les villes Sancho Panza l'emporteront à la longue sur les sublimes Don Quichotte. Fabrice ne peut qu'acquiescer, mais son cœur ne pouvait s'accoutumer à l'image sanglante du beau jeune homme tombant de cheval défiguré. Fabrice rend ensuite visite à l'archevêque Landriani, qui a l'intention de le nommer grand vicaire.